Chapitre 46e. J'ai gagné mon pari, dit le jeune Octave en riant. Il prit Roland par le bras et l'emmena déjeuner au café de Paris. Précisément, ce jour-là, le marquis de Chambrille s'y trouvait. Rocambole déjeunait seul et ne se mêlait point à la conversation des trois ou quatre habitués, qui connaissaient parfaitement du reste le jeune monsieur Octave et son ami Roland de Clayet. Tiens, dirent ces messieurs, voilà Octave tout vêtu de noir. Couleur d'héritier. Tiens, voilà Roland, un mort qui ressuscite. Messieurs, répondit Roland en allant prendre la main du marquis, permettez à mon fantôme de vous présenter notre ami Octave, un héritier de 60 000 livres de rente. Et moi, messieurs, répliqua Octave, laissez-moi vous présenter le dernier représentant de la table ronde, le preux Roland, descendant en ligne directe du héros de Roncevaux. Roland salua. Figurez-vous, messieurs, reprit Octave, que notre ami est tout simplement un volcan. Pardon, interrompit Rocambole, pourriez-vous nous dire, monsieur, ce qu'il y a de commun entre un chevalier de la table ronde et un volcan? Peu de choses en apparence, beaucoup en réalité. Voyons. Mon ami Roland est un volcan en ce sens qu'il est toujours amoureux. Très bien. Il est un preux du Moyen-Âge parce que ses amours ont une couleur chevaleresque impossible à retrouver de nos jours. À merveille. Je demande quelques détails. Vous les aurez, répondit le jeune monsieur Octave, qui se mit à table et fit d'abord sa carte. « Comment ? Roland est amoureux ? » murmura-t-on à la ronde. « Amoureux fou, » dit Octave. « Et heureux ? Sur le point de l'être. » Roland prit un air modeste. « Messieurs, dit-il, je vous en prie, assez. »« Du tout, je veux des détails, » dit un des amis de monsieur Octave. « Eh bien, je vais vous en donner. » Et le jeune monsieur Octave ajouta avec une gravité superbe. « Mon ami Roland revient d'Allemagne, messieurs. » Là, il a sauvé la vie au péril de ses jours, comme disent les journaux, à une jeune et belle comtesse russe. Vous comprenez que nous sommes obligés, pour la morale et les convenances, de l'appeler la comtesse 9 étoiles. Très bien, elle est toujours. La comtesse sauvée, notre amie, qui se mourait d'amour la veille pour une autre dame, a oublié instantanément cette dernière. Pour devenir amoureux de Madame 9 étoiles, n'est-ce pas? Et elle est advenue que la comtesse reconnaissante est arrivée à Paris incognito et a écrit à notre ami un billet dont voici le sens. Si le preux Roland de Clay est digne de l'amour qu'il inspire, à minuit, l'heure des fantômes, il montera à cheval et se rendra, etc., etc. Vous comprenez? Mais c'est plein de mystères. Voilà un amour comme j'en voudrais un, dit le marquis de Chambrille en riant. Et j'ai bonne envie de chercher querelle à Roland, de le tuer et d'aller ce soir à sa place. « Ceci est une idée à laquelle vous me permettrez de réfléchir, » murmura Roland. « En attendant, laissez-moi déjeuner. » Et l'on parla d'autre chose. C'était la première fois que Rocambole voyait le jeune monsieur Octave. Il le toisa d'un coup d'œil et le devina tout entier. « Voilà un bambin, se dit-il, qui peut être précieux à l'occasion. » Roland avait présenté les deux jeunes gens l'un à l'autre. « Monsieur, » dit Rocambole, « monsieur de Clayet nous a bien souvent parlé de vous. » « Fabien et à moi. Si vous êtes assez aimable pour venir me voir quelquefois rue de Verneuil, vous nous ferez grand plaisir. » Le bambin s'inclina, ravi. Le marquis de Chambrille redevint silencieux et parut bientôt absorbé par une méditation profonde. Mais il n'en écoutait pas moins avec une attention très sérieuse les folies et les paradoxes qui se débitaient autour de lui, et il eut bientôt la conviction que M. Octave était déjà le confident de tous les secrets de Roland. « Oh ! Pensa-t-il. J'avais besoin d'un indiscret, mais je crains à présent qu'il ne le soit trop. Nous ne sommes pas prêts encore. » Et comme les deux jeunes gens, leur déjeuner fini, se levaient de table, il prit Roland par le bras et l'attira à l'écart. « Mon cher ami, dit-il, voulez-vous que je vous dise quel est, à mon sens, le plus grand philosophe des temps modernes ?»« Je ne sais, répondit Roland surpris. C'est La Fontaine. Et pourquoi ? Parce qu'il a écrit, entre autres moralités de haute sapience, comme eût dit Rabelais, l'histoire d'une certaine peau d'ours. » Roland tressaillit, rougit et balbutia. « Mon cher, poursuivit Rocambole, je ne sais pas si la comtesse Artoff est revenue à Paris incognito et pour vous. Je ne sais pas davantage si elle vous attend à minuit, mais ce que je sais bien, c'est que si elle venait apprendre que vous vous êtes vanté, par la bouche d'un jeune homme comme votre ami, d'avoir rendez-vous avec elle, et cela en plein café de Paris, elle ne viendrait certainement pas à ce rendez-vous. Vous avez raison, dit Roland avec franchise. « J'ai eu tort de me confier à Octave. C'est un étourdi. » et il quitta le café de Paris, tandis que Rocambole se disait « Je vais faire un tour à Passy et donner quelques instructions à mon élève. » Roland avait été sensible à la leçon de Rocambole. Il recommanda le secret à son ami le jeune monsieur Octave, qu'il laissa vers 2 heures de l'après-midi chez un marchand de chevaux des Champs-Élysées, rentra chez lui et il lut et relut plusieurs fois le billet mystérieux. À 5 heures, il se fit conduire de Verneuil et alla dîner chez Fabien. Il y retrouva le marquis. Ce dernier était arrivé chez son beau-frère quelques minutes avant le dîner et l'avait trouvé dans son fumoir occupé à écrire plusieurs lettres. « Mon cher ami, lui avait dit le marquis, sais-tu bien une chose, laquelle ? C'est que ton ami Roland est un fat. À propos de quoi me dis-tu cela ? Oh mon Dieu ! Répondit Rocambole, c'est qu'à l'entendre, ses amours ont pris une tournure sérieuse. La comtesse est donc de retour, à ce qu'il paraît. Depuis quand ? Depuis 2 jours. Avec son mari ? Non, sans lui. Voilà qui m'étonne, dit Fabien. Je connais le comte. Je le sais très amoureux de sa femme et incapable de la laisser revenir seule à Paris. Cela est, cependant, ce matin même, en plein café de Paris, où nous déjeunions, Roland nous a raconté que la dame dont il était éperdument amoureux était arrivée incognito tout exprès pour lui, et qu'elle était allée se cacher à Passy où elle l'attend ce soir à minuit. Fabien haussa les épaules. « Si cela était, dit-il, je ne croirais plus à rien. Pourquoi ce scepticisme ? Parce que, l'hiver dernier encore, la comtesse était aussi éprise de son mari que son mari se montre amoureux d'elle. L'amour passe, mon cher. Et que ? Acheva Fabien gravement, il faut qu'une femme ait perdu la tête. Pour préférer un fou comme Roland, un homme comme le comte Artof. Tu ne le connais pas ? Je ne l'ai jamais vu, répondit Rocambole avec un calme parfait. Eh bien, figure-toi le plus accompli des héros de roman, un type chevaleresque, un gentilhomme de vraie race, un homme de 28 ans, qui aurait pu poser devant Pradier. Après, dit Rocambole, j'ai beaucoup connu le comte, poursuivit Fabien. Avant et après son mariage. La femme qu'il a épousée a été une courtisane et est devenue une sainte. Ce ne sera qu'après avoir vu de mes yeux celle qui se nomme Barcara, laissée à ses genoux se nier de Roland, que je pourrai croire au bonheur dont il se vante. « Ah mais, interrompit Rocambole, c'est qu'il s'en vante très fort, et au train dont il va, tout Paris le saura dans 2 jours. Dans ce cas, je ne donne plus un louis de la peau de Roland. Pourquoi ? Parce que le comte Artof le tuera. « Bon, tu crois ?»« Ah, mon cher, » dit Fabien, « je me souviens d'avoir vu le comte en colère une seule fois. Ce n'était pas un homme, c'était un tigre, en vérité. Il y a 4 ou 5 ans de cela, je le connaissais à peine alors. J'étais entré par hasard avec un de mes amis dans un cercle dont il faisait partie. Où cela ? » demanda curieusement Rocambole. « Rue de la Chaussée-d'Antin. »« Ah ! » !»« C'était, je crois, » continua Fabien, tout au commencement de cette belle passion qui devait donner une couronne de comtesse à Barcara. Le comte était très amoureux et il voulait à tout prix le prouver. Au moment où j'entrais, un jeune homme, un fou connu, me dit-on, dans le monde galant sous le nom de Chérubin, venait de se vanter qu'il séduirait Barcara en 8 jours. L'impertinent, dit Rocambole. Le comte, cet homme froid et poli, en entendant les paroles pleines de forfanterie de ce jeune homme, lui dit alors « Je vous parie 500 000 francs que vous ne réussirez pas. « J'accepte, » dit Chérubin. « Si Barcara vous aime, » continua-t-il, « je vous donnerai 500 000 francs. Et si elle ne m'aime pas, je vous tuerai, » dit le comte. « Tiens, » observa Rocambole avec la naïveté d'un enfant, « je suppose que l'autre n'a pas tenu. Ma foi, » dit Fabien, « c'est tout ce que j'ai su de cette histoire et je n'ai jamais osé questionner le comte. Mais j'en ai conclu qu'il était homme à tuer un rival et égare à Roland. » Rocambole se disait, tandis que son beau-frère parlait ainsi, « Vous êtes un grand niais, mon Rocambole, et vous n'avez pas la mémoire des physionomies, car vous étiez au club ce jour-là. Vous y avez vu Fabien, et l'avez si peu remarqué que lorsque vous êtes rentré dans le monde parisien, vêtu de la peau de monsieur le marquis de Chamery, vous êtes demeuré convaincu de n'avoir jamais connu le vicomte. « À quoi penses-tu ? » demanda le vicomte Fabien Damol. « Je pense, » répondit le faux marquis, que ton ami Roland est un homme perdu, car le comte le tuera. » Comme Rocambole achevait cette prédiction sinistre, la porte s'ouvrit et M. Roland de Clayet se montra sur le seuil. « Tiens, le voilà, » dit Fabien. Roland avait l'attitude orgueilleuse et modeste à la fois d'un triomphateur. « Mon cher ami, lui dit Fabien, j'en apprends de belles sur ton compte. »« Bon, dit Roland. » « Et Chamry vient de m'apprendre des choses plus que bizarres. »« Chut, fit Roland. » Et il fredonna d'un air vainqueur. « C'est un mystère. »« C'est si peu un mystère, dit Rocambole, que vous venez dîner ici ce soir comme vous êtes allé déjeuner ce matin au café de Paris. » Roland rougit comme un écolier. « Mon bel ami, poursuivit Rocambole avec froideur, vous êtes pourtant assez expérimenté pour savoir qu'il est des choses que l'on doit cacher avec soin, de peur de passer pour un indiscret. Eh bien, franchement, on vous prendrait pour un écolier. » Roland se mordit les lèvres. Outre qu'il ait le mauvais goût de crier ses bonnes fortunes par-dessus les toits, continua Rocambole, c'est dangereux. Monsieur, fit Roland blessé. Bah, dit Fabien, nous sommes tes aînés, mon cher ami, et tu nous permettras bien de te faire un peu de morale. Ce que dit Chamry est juste. D'abord, si la comtesse t'a écrit, ce que j'ai de la peine à croire, voici sa lettre, répliqua Roland. Tu devrais la garder pour toi. Acheva le vicomte. Attendu que c'est fort mal d'abord de compromettre une femme, ensuite que c'est risquer un duel avec son mari. Cela m'est bien égal. Fabien haussa les épaules. Est-ce que tu oserais reparaître aux yeux de la comtesse si tu avais tué son mari? Dit-il avec dédain. Roland ne répondit pas. « Enfin, ajouta Fabien, tu oublies que je suis lié avec le comte Artof, que tu es pareillement mon ami, et que si tu venais à être aimé de sa femme, cela me placerait dans une situation très difficile. » M. de Clayet baissait la tête et n'osait répondre. Fabien lui mit affectueusement une main sur l'épaule. « Voyons, lui dit-il, fais-moi ta confession tout entière. Tu as déjà raconté ta prétendue bonne fortune à tous les jeunes gens de ton club. »« Mais non, balbutia Roland. « Cela est si vrai, poursuivit Fabien, que je demeure persuadé qu'on t'a mystifié. »« Mystifié, parbleu. C'est un ami quelconque à qui tu as avoué ta belle passion pour la comtesse Artof qui aura imaginé la lettre du rendez-vous. » Roland devint fort pâle. « Oh, dit-il, qui donc oserait ?» Fabien se prit à rire. « Je donnerai ma tête à couper. J'exposerai ma main sur le bûcher de Monsieur Scaevola, plutôt que de croire à ton succès. » « Et pourquoi ?» demanda Roland d'un ton plein d'aigreur. « Mais parce que la comtesse aime son mari, et qu'elle a de bons yeux. L'amour est-il donc une affaire de longue vue ?»« Oui, souvent. Quand une femme a de bons yeux, elle peut toujours constater les avantages de l'homme qu'elle aime. Selon moi, tu ne vaux le comte Artof ni moralement ni physiquement. » Sans doute, M. Roland de Clayet allait éclater et protester contre cet âpre et sévère mercurial, lorsque la porte du fumoir s'ouvrit de nouveau. La vicomtesse d'Amol, née Blanche de Chamry, montra son noble et beau visage sur le seuil. « Messieurs, dit-elle, voulez-vous me faire le plaisir de venir dîner? Je suis servi. » Roland lui offrit la main, et devant le pudique sourire de l'ange, la colère de l'homme tomba. À 11 heures du soir, M. Roland de Clayet quitta l'hôtel de Chamry pour rentrer chez lui, rue de Provence. L'étourdi avait été si bien molesté par son vieil ami Fabien qu'il lui avait juré d'être discret. D'ailleurs, lui avait dit le vicomte, je connais si bien la comtesse que j'ai la conviction que tu es mystifié. Du reste, je t'attends demain. Tu seras fixé. Soit, avait dit Roland en s'en allant, à demain. Et il était parti un peu moins sûr de son triomphe, un peu inquiet, des paroles de Fabien. Cependant, se dit-il en montant à cheval, je veux en avoir le cœur net. Et Roland monta les Champs-Élysées au galop, prit l'avenue de Saint-Cloud, et arriva bientôt à Passy, dans la rue de la Pompe, celle que désignait le billet mystérieux. Minuit allait bientôt sonner, et la rue était déserte.